bon, un joli cuvée de viande. Sur les crêtes de mon fémur rond, je prends une corde pour me pendre. Yeah.